Ma bite cisaille comme un papillon. Hey ya, ya, ya, hey ya, hey ya, c'est moi le chien de la c. C'est bon, ah, c'est bon de mon chien de la c. Chien de la casse. Chien de la casse. Un, deux, yo. Léon le lion. Yo, ma mère, Gaïo. Chien de la casse. Yo, écoute ça. Un, deux, un, deux, zéro. Yo, Nico. Tempo. Adama. Ouais, ouais, Biscotte. Monseigneur Gaïo. Léon le lion Wilson. Chien de la casse. Yeah, yo, yo, MC Dez. Reviens tes pincos, y'a que les barres, des sales cabots. Des sales pleps, foutant la merde, merde, alors faut que tu t'éclipses. Pisse sur les trottoirs, marque le territoire. Partout je pisse, partout où on passe, on fout la merde. Dès qu'il y a moyen, et une fois bien foncé, on l'a pas pour un rien. Hey, la merde, si t'es un sale pleps, lève la patte. Et si t'aimes taper dans les grosses chiennes, sors la patte. Et si la chienne donne pas sa chatte, alors faut qu'on la batte. Ce son c'est pour les niches et les boîtes, pour les chiennes qui se doigtent, les lascars aux mamouettes, et tous les chiens dans les squats, et tous les chiens dans les squats. On a le beat, attache tes mains, prépare la foule. Rockma, tiens ta soca, fondé comme la meca. Ton taka, checka, ou courir de méca. C'est de pourri. Ta gueule qu'elle bat, c'est moi qui va tabac. Tu te trappas, le retro va là-bas. Eh, c'est Thomas. Bâtard Kleba, qui sur toi everyday à la barre. Chien de la casse, partout où je passe, faut que je laisse des traces. Des fois je suis seul, des fois je bouge en main. Chien de la casse, partout où je passe, faut que je laisse des traces. Des fois je suis seul, des fois je bouge en main. Chien de la casse, partout où je passe, faut que je laisse des traces. Des fois je suis seul. Des fois je bouge en marche, chien de la casse. Partout où je passe, faut que je laisse des traces. Des fois je suis seul. Des fois je bouge en masse. Partout où je passe, il faut que je laisse des traces. Le rot à peur, c'est un sale kleps, c'est une sale race. Ouais, je fume du hash, bois de la bière. Ensuite, je crache du gros glaire. Et toutes mes bouteilles de cheese par terre. Je fous le bordel, bref, je fous la demeure. Dans la rue, dans le métro, même dans le RER. Les gens qui passent tout le temps nous regardent de travers. Jean, basket, bouteille à la main, Royal 8-8. Royal Guédin, sous une bonne cuite. Les fachos sont fâchés, les fachos sont dégoûtés par la fumée de mon bédo qui leur enfume les narines. Ouais, moi le négro aux grosses babines. Survie du crime et à rabat de sélexia. Les flics débiles, les coyotes. Moi ta meuf je la plotte, j'arrache la culotte à ta copine. J'suis pas clean, j'crois que j'vais gerber. Eh, j'lâche tout sur la vitrine, partout où j'passe. Ouais, faut que j'laisse des traces. Des fois j'suis seul, et puis des fois je bouge en masse. Partout où j'passe. Ouais, faut que je pèse des tasses. Des fois je suis seul, et puis des fois on bouge en marche. Chien de la casse, partout où je passe, faut que je laisse des traces. Des fois je suis seul, des fois je bouge en marche. Chien de la casse, partout où je passe, faut que je laisse des traces. Des fois je suis seul, des fois je bouge en marche. Chien de la casse, partout où je passe, faut que je laisse des traces. Des fois je suis seul, des fois je bouge en marche. Chien de la casse, partout où je passe, faut que je laisse des traces. Des fois je suis seul, des fois je bouge en marche. J'ai planté, il y a de plus en plus.